Je suis partie d'un coup. Le ciel a fait la quête dans mon cou. Aquitaine, conquête, j'ai fait un sapristi point. À Tobrouk, j'ai pris un joint. Un point. Aurore, la folle, et toutes ces Émilies en robe blanche qui tournoyaient sur le pain blanc cuit pour le père, amer. Et ces filintes filandreuses complaignant leur sort à cause de Butor. Ma joie, joyau, Jacinthe, Joël, fièvre affreuse encapotée, aspic démonique névrosée, les belles, envenimées. Hélène, la sauveresse, fauvesse enchalurée, Hélène à cheval, une fleur aux naseaux. Sur la figue sèche.